meurtrisse, mais l'amour, et puis donner la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Yves est à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter cette 29e émission de Patchwork à l'écoute des musiques du monde. La programmation d'aujourd'hui, oh, on va pas aller bien loin hein, dans notre voyage, puisque nous allons aller en Alsace, un voyage musical en Alsace, des coups de chapeau à certains chanteurs alsaciens, et puis une promenade autour du mot « Alsace » dans le titre des chansons, et bien entendu le tout étoilé de Zouk Antillé. Allez, place au Zouk, un tube actuel aux Antilles et qui enflamme les danse-floor de Guadeloupe et de Martinique, notre histoire, Patrick Peck. Déjà que notre histoire est terminée, pour moi c'est une éternité. Sais-tu que moi je continue à t'aimer, comme si rien ne s'était passé. Je traverserai les océans pour te retrouver, bébé. J'irai au fin fond du désert pour gagner ton amour, bébé. Et toutes les larmes de mon cœur ne pourront te montrer ce que je ressens pour toi. Je t'aimerai, mon amour. Je t'aimerai encore. Je t'aimerai comme avant. Je t'aimerai plus fort. J'apprendrai. Comme avant, je veux t'en dire On dédiera cette émission à Adrien, puisque c'est lui qui m'avait suggéré de faire quelque chose sur l'Alsace. Et vous aussi, si vous souhaitez un souhait particulier sur un voyage où que ce soit dans le monde, ou très près de chez vous, vous gênez pas. Vous allez sur la page Facebook, La Cerise sur le Canto, et vous me dites ce que vous voulez. Voilà, ça se passe comme ça. Alors l'Alsace, une région historique du nord-est de la France, dans la plaine du Rhin, située à la frontière avec l'Allemagne et la Suisse, elle a été sous le contrôle de l'Allemagne et de la France au fil des siècles et reflète un mélange de ces deux cultures, deux départements, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, pour une population de 2 millions d'habitants, avec comme ville principale Strasbourg, 300 000 habitants, Mulhouse, 115 000, Colmar, 70 000. Alors, l'Alsace est à l'origine de nombreux particularismes locaux et certains domaines sont régis par le droit local Alsace-Moselle qui prime sur le droit français, notamment en ce qui concerne la justice, les jours fériés, les vénards, ils ont 2 jours de plus, l'enseignement religieux, le salaire des prêtres, le système d'assurance maladie, etc., etc., etc. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Alsace, c'est une province de France où le taux de chômage est plutôt bas. Allez, hola trio, hola tria, la fête en Alsace, c'est comme ça. Bah, c'est pas très compliqué hein, pour chanter. Vous avez vu, hein, mais c'est entraînant. C'est comme ça la fête en Alsace. Coup de chapeau aux chanteurs alsaciens, et le premier coup de chapeau, nous allons le décerner à Alain Bachung. Ouais, il n'est pas alsacien vraiment, mais un petit peu quand même. Hein. Alain Bachung, il est né en 1947 à Paris, mais il a passé toute son enfance chez les parents de son père adoptif, à Wingersheim, un bourg de 2000 habitants au nord de Strasbourg. Alors, ils vivent là, à la campagne, dans un milieu conservateur et modeste, et c'est pour ses 5 ans que son beau-père lui offrit un harmonica. Ah, ça sera son jouet préféré. Alors, il apprécie la musique, et plus particulièrement les musiques de Strauss, Wagner, Edith Piaf. Il était enfant de chœur. Et plus tard, il pratiqua le basket et le cyclisme. Et puis, c'est la découverte du rock américain, alors avec Jane Vincent, Elvis Presley. Et lorsqu'il eut ses 12 ans, il quitte l'Alsace. Et il fut ensuite, oh non sans mal, la carrière qu'on lui connaît, José Joséphine Bachung. Promenade en chanson autour du mot Alsace. Une chanson de 1953, composée par Louis Gastet, vous savez, le loulou de Lynn Renault, c'est loulou. Printemps en Alsace. Dès qu'il l'a vu, il fut séduit par ses grands yeux et ses 20 ans. Un beau soir en Alsace, au printemps, il s'approcha, elle lui sourit, il l'invita, elle lui dit oui. Un beau soir en Alsace au printemps, c'est ainsi qu'en valsant on bâtit un roman. Le jeune homme amoureux en bâtit plutôt deux. Gentille, elle l'écouta, mais ne répondit pas, de peur que son amour ne dure pas plus d'un jour. Elle l'attendit toute l'année avant d'être sa fiancée. Un beau soir en Alsace au printemps, mais quand il sut qu'elle acceptait, ils échangèrent un long baiser. Un beau soir en Alsace au printemps, c'est ainsi que l'amour bâtit son nid un jour. Autant des lilas blancs en Alsace au printemps, les deux cœurs amoureux furent longtemps heureux, pendant toute une vie, sans jamais qu'ils oublient. Que leur amour très tendrement commence à un soir en valsant, maintenant qu'ils ont des cheveux blancs. Ils se souviennent en souriant du grand bonheur de leurs 20 ans, d'un beau soir en Alsace au printemps. Un beau soir en Alsace au printemps. Une multitude de sites plus attractifs les uns que les autres, tu parles, dur de faire une sélection. La visite de Strasbourg s'impose, bien sûr, avec sa cathédrale et son horloge astronomique, le quartier de la Petite France, un petit Venise, avec des maisons à pans de bois surplombant les canaux. Et puis le château du Haut-Königsbourg, il n'est pas très loin, une forteresse de grès rose, 12e siècle, qui, perché sur sa colline, domine majestueusement les environs. Le ballon d'Alsace, ensuite, culminant à 1247 mètres, au patrimoine naturel d'une grande richesse, dont la fleur, qui sert à soigner les coups, j'interroge Yves du regard, l'arnica. Neuf-Brisach, une ville en plateforme érigée par Vauban, en 1699, avec l'écomusée d'Alsace, dans le Haut-Rhin, 70 maisons paysannes authentiques, une occasion unique de découvrir un savoir-faire architectural, artisanal, culinaire, représentant la culture alsacienne à travers les siècles. Allez, on part dans un petit village, c'est Roquevihr, une charmante petite cité médiévale sur la route des vins, aux petites ruelles pavées, et les maisons à colombages et aux façades colorées. Le mont Saint-Odile, près d'Aubernay, attire les pèlerins qui souhaitent visiter l'abbaye de Hohenburg. La montagne des singes, un parc animalier de 24 hectares, où près de 200 singes évoluent en toute liberté. La volerie des aigles n'est pas loin. Si vous avez écouté Fagette cet été, il y avait des places à gagner d'ailleurs. Et puis la cité de l'automobile à Mulhouse, avec la collection Schlumpf, qui avec 500 voitures et pas beaucoup de chaises pour s'arrêter en route, abrite la plus grande collection de véhicules du monde. Allez, hop la Geiss. Rémi a un stand au Krischkindelsmerik, Josette est caissière à la Copée. Rémi dit à Josette, yo, toi tu me plais, marions-nous, on aura moins d'impôts à payer. Hop la Geiss, hop la donc, c'est la classe. Yeah. marche, sans tomber dans les trous du tramway. Il prend des bretzels et deux bouteilles de kirsch. Ce soir c'est la fête, y'a Foucault à la télé. Hop là guys, hop là donc, c'est la classe. Yeah, ça se passe comme ça en Alsace. Mais tous les dimanches, Rémi va pêcher aux rivières. Pendant que Josette fut des bretzels et la soupe à la bière. Deux ans après, ils ont déjà quatre enfants. La deuxième fois, c'était des triplés. Rémi a dû embaucher deux apprentis et Josette est devenue gérante de la copée. Hop là, guys, hop là, donc, c'est la classe. Yeah, ça se passe comme ça en Alsace. Oh, ça se passe comme ça. Hop là, donc, hop là, guys. Deuxième coup de chapeau à un chanteur alsacien. Cookie Dingler. Cookie Dingler, c'est un groupe de musique français originaire de Strasbourg et son leader est Christian Dingler. Alors ce groupe est essentiellement connu pour avoir été à l'origine d'un des plus gros tubes du top 50 dans les années 1984-85 avec Femme libérée. Bon, allez, celui-là, vous l'entendez fréquemment, je vous le mets pas. Depuis, le groupe n'a pas produit grand-chose. Il se repose sur ses lauriers. À l'exception de Faut pas rêver, paroles de Joël Kopp sur une musique de Christian Dingler. Faut pas rêver, Cookie Dingler. Faut pas rêver, le loup ne vit plus dans. et poursuivre une ambiance alsacienne avec le groupe musical Les Horizons. Bienvenue en Alsace. La gastronomie alsacienne actuelle est totalement imprégnée des traditions culinaires locales et très riche en spécialités. Alors c'est de la bonne cuisine, servie à la table familiale ou dans les Wunschstube et dans tous les restaurants, et notamment dans les 30 restaurants étoilés que comptent les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Eh oui, Lyon, accroche-toi. Alors tout d'abord le bake-off. C'est la potée alsacienne à base de pommes de terre, de légumes et d'un assortiment de viande d'agneau, de bœuf et de porc, marinée puis mijotée à l'étouffée dans une terrine qu'on faisait cuire avant dans le four du boulanger. Et puis on met des épices et du vin blanc, bien sûr, du vignoble d'Alsace. C'était le bake-off. Le coco-vin, oui, non mais attends, pas avec n'importe quel vin. Le coco-vin au Riesling, s'il vous plaît. Et puis la choucroute, garnie de charcuteries diverses, telles que les knacks, les jambonneaux, du lard fumé, du filet de porc, du jarret de veau, des quenelles de foie. Puis il y a aussi la choucroute de poisson, qui devient très à la mode à l'heure actuelle. Le foie gras, on n'en parle pas beaucoup du foie gras d'Alsace, et pourtant, de belles productions de foie gras, et surtout de canards. Le Munster, ça tout le monde connaît, un fromage à choisir de préférence fermier, car il provient des hauts chaumes des Vosges. Alors le Munster a consommé surtout l'été et l'automne. Les spatzeleux, des nouilles rustiques façonnées avec de la farine, de la crème et des œufs, pochés et servis poêlés de beurre. À la flamencuche, la tarte flambée, et tarte flambée qu'on flambe dessus et dessous, s'il vous plaît. Ah ben oui, Et oui, malheureusement, la tarte flambée, une fine pâte garnie de crème fraîche, de lardons et d'oignons. La flammenkuchen, elle n'est jamais aussi bonne que quand on la mange dans un Wienstube en Alsace. Le ou la, parce qu'on peut dire le ou la bretzel, un biscuit croquant à base de pâte pochée à l'eau et parsemé de gros sel. La morissette. Ah, un petit pain de bretzel moelleux. La morissette, qui est-ce qui l'a inventé? Vous voulez le savoir? Eh bien, je vais vous le dire. Paul Poulaillon. En quelle année? 1972-73. Alors, je me suis renseigné, moi, sur la recette de la morissette. Ben, c'est du pain. Mais Paul Poulaillon, il a remplacé l'eau par du lait. Voilà. Vous le répéterez à personne, hein, c'est un secret. Et puis, le kouglof, la boule levée. Ah, Marie-Antoinette a patronné la diffusion de cette brioche à la levure de bière et garnie de fruits secs. Allez, une chanson d'Er Hans im Schnokolok, Roger Siffert. Kommt sie nicht, ob einer fragt, sie will sie nicht. Hans hat sie schlagen noch, ob bringt sie nicht mehr. Je penserai toujours à ma rose d'Alsace. Je penserai toujours à ma rose d'amour. Elle a fleuri sur le chemin de ma jeunesse, autant jolie où mon chemin croisait le sien. Ma rose d'Alsace, Santa Rosa. Santa je penserai toujours à ma rose d'Alsace. Je penserai toujours à ma rose d'amour. Elle a fleuri sur le chemin de ma jeunesse, autant jolie où mon chemin croisait le sien. Loin des coteaux fleuris de ma rose d'Alsace, je pense au beau pays de ma rose jolie. Les arbres passent, oh ma rose d'Alsace, mais rien ne change en moi depuis l'heure de joie qui sonne et tombe froid. Je n'oublie pas ce beffroi, un jour il sonnera pour toi. Nous goûterons la mirabelle que tu auras cueillie pour moi. Je reviendrai un jour, ô ma rose d'Alsace. Je reviendrai un jour vers ma rose d'amour. Dans les matins en fleurs de ma rose d'Alsace, je prendrai le bonheur d'une rose et son cœur. Et tout en fête de la maison en fête, la cigogne à son tour déposera un jour une rose d'amour. Je penserai toujours à ma rose d'Alsace. Je penserai toujours à ma rose d'amour. Elle a fleuri sur le chemin de ma jeunesse, le sien. Dans les matins en fleurs de ma rose d'Alsace, je prendrai le bonheur d'une rose et son cœur. Et tout en fête de la maison en fête, la cigogne à son tour posera un jour une rose d'amour. Conciliant les Alsaciens. L'Allemagne, l'emblème, c'est l'aigle. La France, l'emblème, c'est le coq. Alors, les Alsaciens, ils ont tranché, eux, ils ont pris la cigogne. Un certain nombre de mots alsaciens sont venus enrichir la langue française. La chope, le verre à boire, mais mot qui a donné la chopine. La quenelle, ou knödel, un mélange de farine et de viande cuit dans l'eau bouillante. Schlass, oh, je suis schlass, être fatigué, je suis schlass, oh. La choucroute signifie chou acide. À ce sujet, les consommateurs alsaciens sont furieux de découvrir qu'une très grande quantité de choucroute qui leur est servie provient de pays étrangers, style Hongrie ou Pologne. La turne désigne une prison, et par extension, c'est devenu une chambre d'étudiants. Range ta turne. Le caquelon, ah, c'est une grosse casserole en fonte, pour faire la fondue bourguignonne de préférence, à moins qu'on ne fasse la fondue savoyarde. Schnock, schnockeloc, espèce de vieux schnock. Le frichti, eh ben le frichti, c'est le petit déjeuner. Et puis bon, la Flammenküche, on en a parlé, les Spätzle, le Kugloff, les Bredelet et bien d'autres encore. Une fille d'Alsace, l'orchestre de Jean-Georges. Qui est si belle, c'est un amour qui ensoleille mes jours. Bon, gastronomie alsacienne, ben, y a pas que la bouffe, hein. Si on parlait des liquides. Alors d'abord, les vins d'Alsace, dont les principaux cépages sont le Riesling, sec et fin pour le coco vin, le Muscat, léger et fruité, le Pinot Gris, corsé, capiteux, un brin moelleux, le Gewürztraminer, parfumé, écorcé, et le Gewürz au verdage tardive, c'est encore meilleur. Le pinot blanc, souple et fruité. Le pinot noir, vivifié, en rouge ou en rosé. Le chasselas, facile à boire. Le Klevener, ah, moins connu, c'est l'ancêtre du Gewürz. Et puis, bien entendu, le Sylvaner et le Crémant d'Alsace. Le tout à consommer avec modération, évidemment. Côté bière, ben, l'Alsace est la première province productrice française. Et l'usine de Cronenbourg, située maintenant à Aubernais, est la plus grande brasserie d'Europe. Côté alcool, le Kirsch, fabriqué à base de cerises, le Schnaps, eau de vie de Mirabelle, Mûre, Fraise, Coin, Poire, Cassis, Reine, Claude, Quetsche, Myrtille, Pêche, Abricot, et surtout Prunelle et Framboise. Ces dernières années, le Val d'Orbais a assisté à la renaissance de la sulfureuse absinthe. Ah, ah. il y a tant de produits alsaciens dont j'aurais aimé vous parler, dont le vinaigre Melfort à base de miel. Et puis, je voudrais revenir sur les quetschs. Ah, mais là, j'ai trouvé un vrai spécialiste pour la tarte aux quetschs, autrement appelée Zwatcha Kawaya. Zwatcha Kawaya, Roger Sichler. Wartet nun ein paar Minuten. Ist noch nicht fertig. Wir haben jetzt nun so eine Bonus-Track. Les fleurs sont belles et les oiseaux chantent dans la prairie. Le ciel est bleu et le soleil brille aussi. Toi tu es là, tu es assise à côté de moi. Tous les deux nous mangeons de la Zwatchkawaya. J'ai les doigts qui collent parce qu'il y a du jus qui a coulé dessus. Je me lèche les doigts et déjà ça ne colle plus. Toi tu es là, tu es assise à côté de moi. Tous les deux nous mangeons de la Zwatchkawaya. Ton morceau sur tes genoux, ta jupe est couverte de flancs, c'est embêtant comme tout. Tu es un peu triste, une larme coule sur ta joue. J'ai les lèvres pleines de miettes et je t'embrasse partout. Le monde peut s'écrouler tout autour de nous. J'ai la bouche pleine, je t'aime et le reste je m'en fous. Toi tu es là, tu es assise à côté de moi. Tous les deux nous mangeons de la Zwatchkawaya, Zwatchkawaya, Zwatchkawaya, Zwatchkawaya, Zwatchkawaya, Zwatchkawaya. Zwatchkawaya, Zwatchkawaya, Zwatchkawaya, Zwatchkawaya, Zwatchkawaya, Zwatchkawaya, Zwatchkawaya. La tarte elle est presque finite, il n'en reste presque plus. Rien qu'un morceau qu'il faut partager entre toi et moi. Heureusement, tu me dis que tu n'en veux plus. Alors je le prends et je le mange en une seule fois. Le monde peut s'écrouler tout autour de nous. J'ai la bouche pleine, je t'aime et le reste, oh putain, je m'en fous. Toi, tu es là. Assis à côté de moi. Tous les deux, nous mangeons de la Zwatchkawaya, Zwatchkawaya, Zwatchkawaya, Zwatchkawaya, Zwatchkawaya, Zwatchkawaya, Zwatchkawaya, Zwatchkawaya, Zwatchkawaya, Zwatchkawaya, Zwatchkawaya. Oh, une petite anecdote. La quetsche qu'on appelle également la quetsche de Damas. Bon, c'est une petite prune allongée et c'est un fruit qui a été ramené de Syrie par les croisés. Et les croisés, n'ayant pas pu prendre la ville de Damas et ne voulant pas rentrer en France, bredouille, les mains vides, les croisés vont ramener les prunes de Damas. Et cela a donné lieu à l'expression, quand on parle de quelque chose qui n'a pas été payé, de travailler pour les prunes. Allez, la chanson d'Albert l'Alsacien, Patrick Bretel. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Ya la la papa, ya la la papa, ya la la la la la la. Chaque samedi après-midi, avec ma femme Germaine, on va remplir le caddie. On achète pour la semaine. On habille notre jogging. On va faire notre shopping. On rencontre les copains. On se raconte les potins. Les nouvelles du village et les histoires de ménage. Après on s'en va. Salut, que c'est chouette au Supru. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Ya la la papa, ya la la papa, ya la la la la la la. Avec mes copains pompiers, quand on fait des exercices, on n'arrête pas d'arroser. À l'eau, à la bière, au pastis. Mais moi, ça que je préfère, c'est notre kilp en plein air. Quand on fait valser les filles, faut voir leurs yeux comme ils brillent. C'est pas tous les jours qu'un homme, dans un joli uniforme, les fait tourner, quel régal. Surtout que je suis caporal. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Ya la la papa, ya la la papa, ya la la la la la la. Tous les dimanches matins, pendant que ma femme prend son bain, je prépare mon tiercé en avalant mon café. Puis je l'attends pour descendre, elle met sa robe de chambre, un fichu sur les bigoudis, elle emmène le chien faire pipi. Moi je prends la mobilette et je m'en vais au bistrot. Ma femme rouspète et s'appête quand j'ai bu un coup de trop. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Ya la la papa, ya la la papa, ya la la la la la la. En décembre sur Noël, je mets partout des petites lumières. La maison, elle est si belle, de devant, de côté, de derrière. Père Noël qui grimpe au mur, des guirlandes à la clôture, aux gouttières le long du toit, au balcon en haut, en bas. Y'a Bambi dans le jardin et Blanche-Neige et les sept nains. Comme pour les maisons fleuries, on reçoit le premier prix. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Ya la la papa, ya la la papa, ya la la la la la la. Au printemps, quand tout est vert, j'emmène toute la famille. On va jusqu'à Gérardmer, à la fête des Jonquilles. Ma femme fait pour le quartier des bouquets plein le panier, et moi j'enfile des fleurs autour des Saint-Joliveurs, aux portières et aux capots, à l'antenne et au rétro. Qu'elle est jolie la voiture dans sa jaune garniture. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Ya la la papa, ya la la papa, ya la la la la. juillet pour les congés. On aime bien voyager. On accroche la caravane. On s'arrête juste à la douane. On roule jusqu'en Italie, Terminus à Rimini. Au camping de la plage, c'est presque comme au village. On installe le pute à gaz, on sort notre Münsterkasse. On retrouve les voisins, c'est le quartier alsacien. Je m'appelle Albert, j'habite là derrière, dans la vallée de Mastère. Je m'appelle Albert, j'habite là derrière, dans la vallée de Mastère. Je m'appelle Albert, j'habite là derrière, dans la vallée de Münsterkasse. Et c'est ainsi que s'achève Patchwork numéro 29. Il me reste à remercier Yves pour la réalisation technique et vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez, durant toute la semaine, retrouver le podcast de cette émission en vous rendant sur le site de Radio Fagette Nancy. Et le prochain Patchwork, c'est dans 15 jours. Et dimanche prochain, nous espérons fidèles à la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux et branchés à l'écoute de Radio Fagette Nancy 94.2 pour les Lorrains et pour les autres Européens sur le net, fagette.net en ligne. Il nous reste un peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait, Yves ? On remet un petit coup d'Alsace ? Oui ? Alors, je vous dis au revoir, je vous le dis. J'essaie de vous le dire en alsacien. Eugé, au revoir. Bertal Eco.